C'est la chronique des castors de Dolbeau avec notre ami Robin Bouliane. Salut Robin. Salut Danny. Robin, Saint-Anselme, parce qu'on ne s'est pas parlé la semaine passée, on s'est manqué, c'est un maudit beau village, hein? Belle petite ville. Oui, ouais, belle place, pas trop gros, les gens sont très accueillants. Non, j'ai bien aimé l'endroit de la place lors de notre tournoi. Comment ça a été? À ton tournoi. Écoute, ça a bien été. On a bien débuté le tournoi. Je te dirais, on a gagné nos deux premiers matchs. Puis, je pense qu'autant défensivement qu'offensivement, on était à l'aise. Puis même dans les buts. C'est un genre de tournoi que la première game, ben, on se plaçait dans le draw. Après ça, c'était gagnant-perdant. À partir de la troisième partie, on ne pouvait plus perdre. Puis malheureusement, on a perdu 2-1, un match serré à notre dernier match. C'est sûr que on jouait pas contre un mauvais club, mais on jouait contre un club quand même qu'on aurait dû battre. Puis c'est sûr que quand tu gagnes tes deux premières, ben les joueurs sont plus confiants. On a peut-être prêché par excès de confiance. Puis c'est un revers de 2-1 à notre troisième match. Donc, ces tournois-là, ce qui est le fun quand on part à l'extérieur, ça nous aide à comparer le calibre des ligues, des différentes ligues. Est-ce que tu peux dire que le calibre midget en région n'a rien à envier aux autres calibres? Donc, non seulement il n'y a rien à envier, mais on est pas mal. Notre ligue est pas mal plus forte que dans les autres régions, surtout les grands centres. Ah oui? Oui, surtout les grands centres. Oui. Pourquoi? Hein? Parce que les Montréal, groupes? Québec, Trois-Rivières, midget 3, tu as du midget espoir, tu as du midget 2A, puis après ça, ça va au 2B. OK. Donc, c'est un peu pour ça là, que puis souvent, ben, nous autres, on a la contrainte de l'éloignement. Peut-être que nous autres, on aurait des joueurs qui pourraient jouer dans le calibre 2A ou peut-être midget espoir, mais ils veulent pas se présenter au camp, donc. C'est un peu pour ça là, qu'il y a des accords. Là, Par contre, quand on se compare aux autres régions, Côte-Nord, Val-d'Or, dans ces coins-là, je pense que là, on a des équipes qui nous ressemblent plus. Ah, c'est clair. Donc, mais ici, c'est quoi? On dit souvent que les espoirs, quelque part, ont enlevé le bon joueur, tu sais, beaucoup de joueurs qui sont maintenant à l'extérieur dans l'espoir qu'ils pourraient jouer pour les Castors. Mais ailleurs, ils ont la même problématique, là. Ils ont la même problématique, sauf que nous autres, on n'a pas de 2A, là. T'sais, si on avait une catégorie 2A, là, ça changerait la donne, là. OK, OK. Fait que nous autres, on tombe du midget espoir à midget 2B, alors que... Dans les autres régions, dans les grands centres, c'est midget espoir, midget 2A, puis midget 2B. OK. En fin de semaine de calendrier, comment ça a été en fin de semaine? Je pense que vous avez perdu. J'ai fait une chronique avec. J'ai la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien aussi. Et oui. Jason me disait que c'était un très bon match. Par contre, il dit on a manqué des buts, puis on a manqué nos chances, puis ça avait failli virer de bord. C'est vrai que on a commencé notre match très lentement, puis n'était-ce de la performance de notre gardien, Gabriel Patry, ça aurait été... on a fini la première à 1-0, 1-1, mais je pense que ça a fait des gros arrêts, il était très, très solide. Donc, en tout cas, ça nous a gardé dans le match. Tranquillement, en deuxième, on a un peu mieux joué, mais on s'est fait encore dominer par Saint-Félicien, qui ont quand même une bonne équipe. Ah ouais. Par contre, en troisième, on a mieux joué. Ça fait que finalement, on s'est fait solder par la banque de 3-2, un match qui est fini serré quand même. Toujours des bons matchs entre Saint-Félicien et Dolbeau. Hein. Il y a une rivalité saine entre les deux formations. C'est pas d'hier que je fais des entrevues avec les entraîneurs des deux équipes. Il y a toujours un petit quelque chose de spécial. Oui, c'est ça. Puis Saint-Félicien, écoute, c'est une puissance dans la Ligue. Fait que si tu veux gagner des matchs, tu peux pas espérer gagner si tu n'as pas la performance de tous tes joueurs. Puis je te dirais que vendredi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a peut-être la moitié des joueurs, surtout en première période, les deuxièmes qui se sont présentés. Puis c'est ça que ça l'a donné. Donc, on s'est fait dominer. Mais par contre, en troisième période, tout le monde mis l'épaule à la roue et a travaillé. Donc, on devient plus compétitif dans ce moment-là. OK. En fin de semaine, c'est les Saguenay de Chicoutimi qui sont les que vous visitez les Saguenay. Puis par la suite, c'est les Orioles de Jonquière qui sont ici dimanche soir. C'est en plein ça. On a deux matchs. Samedi, Saint-Félicien, Chicoutimi. Et puis les Orioles, je pense, c'est deux équipes, deux bonnes équipes qui nous ressemblent un peu. Encore une fois, on prend une bonne performance de tous les joueurs pour pouvoir espérer gagner chacune des deux parties. OK. Donc, évidemment, c'est important. Et surtout que les Saguenayens, les Orioles, sont quand même assez loin des Castors au classement. Idéalement, ce serait d'en gagner au moins une sur deux. Hein? Écoute, moi, je te dirais que je ne me fixe pas d'objectif, encore une fois. Mais je veux qu'on progresse et je veux qu'on avance en tant qu'équipe. Okay. Tu sais, il y a des games que tu vas perdre par un but, mais que tu sais pas, t'as travaillé fort tout au long du match. Il y a des games que tu vas gagner par un but, mais tu vas avoir de la chance de ton côté. Mais nous, ce qu'on vit, c'est vraiment l'effort constant pendant trois périodes. C'est ça qu'on vit. Oui, effectivement. Robin, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, parfait, pas de problème. Donc voilà, c'était l'inspecteur-chef des Castors de Dolbeau, Robin Bouillant.